On a tous des instants positifs dans la vie. Apprécie la vie. Une attention, un sourire, une mélodie. Apprécie. Un amour, une passion, un but qu'on poursuit. Apprécie la vie. Des instants positifs en guise de répit. Enfant, taper le ballon à s'en épuiser. Tomber dans les bonbons, manger à s'en exploser. Mourir de rire avec ses frères et sœurs abusés. Partir en vacances, en famille et s'amuser. Adolescent, sortir les filles et les respecter. Moments inoubliables avec ses potes à partager. Sport, expression, passion, à vivre à fond. Bon prof, collège et lycée, bonne discussion. 18 ans, permis voiture, indépendance. Premier travail, première sortie, taquine les filles à la danse. On rêve plus haut, plus fort, on s'affirme. Bon ou mauvais chemin, la pratique nous le confirme, puis embrasser la femme qu'on aime et l'épouser, faire des enfants par amour, bien les éduquer, les voir grandir, puis grandir soi-même, grandir dans sa tête, dans ses lectures, dans tous les domaines. Tous ces moments positifs stockés dans ma tête comme des négatifs, de photos accumulées pendant des années me sont instructifs, m'ont rendu moins naïf, m'ont permis d'appréhender la vie de manière plus simple, plus offensif. Donc garde espoir même s'il fait gris, car le soleil vient après la pluie. Si le meilleur n'est pas présent, il est à venir. Accueille ces quelques vers avec un sourire. Apprécie. On a tous des instants positifs dans la vie. Apprécie la vie. Une attention, un sourire, une mélodie. Apprécie. Un amour, une passion, un but qu'on poursuit. Apprécie la vie. Des instants positifs en guise de répit. On se raisonne souvent par un 7 à 6, c'est la vie quand tristement autour de nous tout s'assombrit. On se console, on se dit que la vie est moche et c'est ainsi, on la maudit. Tire un trait dessus, on oublie le côté rose, tous ces moments magiques. Les yeux scintillants de ces gosses qui nous animent, ces petits princes et princesses à croquer. Petit ange, petite fée qu'on câlinerait sans jamais s'arrêter. Et on oublie que l'amour existe vraiment, tout ce qu'on partage et donne par humanité et sentiment. C'est plaisant de voir l'égoïsme toucher le fond, de voir grandir au loin un nouvel horizon. Ça fait sourire de fierté de voir son fils grandir, devenir un être respecté des autres, mûrir. Gorgé de principes qui sont à l'honneur, politesse, respect, humilité et honnêteté. Et tant de belles choses à partager, tant de mystères, de secrets, de fantastiques à élucider. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Pourquoi faut-il que les hommes s'en mêlent? Pourquoi faut-il que des hommes s'enfuient? On a tous des instants positifs dans la vie. Apprécie la vie. Une attention, un sourire, une mélodie. Apprécie. Un amour, une passion, un but qu'on poursuit. Apprécie la vie. Des instants positifs en guise de répit. Apprécie. Apprécie la vie. Apprécie la vie.